Croquis de cloître. De poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Croquis de cloître. Dans le cadre de leurs frises historiées et le déroulement de leurs meneaux étroits, contre le mur lépreux des cours armoriées, les 12 stations du chemin de la Croix, tout en marbre blanc, montent à Paris. L'usure de l'hiver a raclé leurs parois, et les scènes de deuil se sont excoriées sous la râpe des vents et sous la dent des froids. C'est là, quand les lointains sur fond d'or se burinent, qu'au son de bourdons sourds les moines pèlerinent, lignant de leurs fantômes en noir ces grands décors, où le soir lumineux, plein de mélancolie, lent ensevelisseur des jours finis, replie ses linceuls de soleil sur les horizons morts. Fin de Croquis de cloître.